Le songe d'un soir kabyle, par Lucie de la rue Mardrus. Un peu en avant de sa petite caravane franco-arabe, droite sur sa mule et les yeux dilatés par la fatigue, la princesse Patricia approchait toujours davantage du but de sa course. Depuis le matin, on avait longtemps monté des chemins forestiers, à travers des chênes zéens et des fleurs. Des bouquets cueillis d'iris, de pensées, de myosotis et de violettes pendaient autour des harnachements. Et Patricia avait même orné d'une couronne mauve et blanche la tête grise de sa monture. Jolie dans sa jupe courte et sa chemisette tailleur, sous son large feutre italien, elle se sentait presque heureuse, simplifiée. Son âme, pour un moment paisible, dormait en elle comme une eau trouble qui se repose. Elle ne pensait à rien, satisfaite que son regard, à mesure qu'on montait plus haut, engouffrât tant de beauté. Paysage africain. Vallées inhabitées, touffues de lauriers roses autour des rivières chargées de cailloux. Partout, dans les sentiers, des sources désordonnées coulaient à travers les sabots des mules. Partout, ces fleurs expansives se pressaient l'une contre l'autre sous les branches comme des plates-bandes naturelles. Au bas du pays, on avait, dans la tiédeur de serre du sous-bois, rencontré des bandes de singes. Maintenant, on allait vers de la neige. On montait. C'étaient des montagnes printanières frisées de chênes, coupée de clairières vertes, où l'herbe grande et fraîche avait un fallacieux air durable. Aussi le tabador maritime, sur le ciel déjà tendri par un crépuscule imminent, découpait ses silhouettes accidentées, et tout au bout des vallées, des pics et des rivières, infiniment lointaines et bleues, la mer, suprême horizon. Un caprice subi, comme elle en manifestait quelquefois, avait ramené Patricia vers cette Algérie qu'elle connaissait déjà. Mais sans vouloir s'attarder à revoir les capitales coloniales et les paysages du tourisme habituel, elle avait décidé d'entreprendre cette petite expédition nouvelle en Kabylie par des pistes peu fréquentées. Et tout de suite, la belle fantasque avait accepté, malgré les timides protestations de son entourage. Maintenant, fidèle et résignée, la suivaient à mulet et à cheval son mari, le riche arabe, et quelques amis amenés de France. Et 5 cavaliers indigènes fermaient la marche. Le but du voyage était une petite source eau placée que les Arabes appellent la source des 7 pierres, parce qu'ils disent qu'il est impossible, tant elle est glaciale, d'y ramasser à la main 7 cailloux de suite. On devait coucher au hasard des postes forestiers et des habitations kabyles, mais un spahi, envoyé d'avance par le sous-préfet de la région, avait reçu l'ordre de faire préparer, parmi les gardes et les indigènes, des repas et des réceptions. Patricia donc, un peu en avant des autres, poussait activement sa mule. Elle était heureuse de l'illusion qu'elle avait d'être seule à travers les paysages. Et voici qu'à un brusque détour du sentier, dans une clairière herbue, elle aperçut, assis sous un arbre, un petit pâtre vêtu de blanc qui gardait quelques chèvres. Ce n'était pas un spectacle nouveau pour elle, mais comme cet enfant lui sembla de loin être assis dans une pose plus noble encore que celle des autres, elle dirigea la mule de son côté et à quelques pas s'arrêta. L'enfant, immobile à sa place, la regardait venir comme si elle n'eût pas été présente. Alors Patricia chercha sur sa poitrine son face à main d'argent, et le braquant sur le petit berger impassible, étouffa un cri d'admiration. Peut-être avait-il 10 ans. Il était drapé dans les loques blanches et rousses des Arabes pasteurs, les jambes nues, les reins ceints d'une corde, la tête enveloppée de laine et de linge, et il crispait, avancé dans l'herbe, un petit pied parfait, sec et brun, comme celui d'une momie. Mais Patricia remarquait à peine ces détails, puisqu'elle était tout entière par le visage du pâtre, occupé de ses 3 tatouages bleus, du lourd pendentif d'argent qui tremblait à son oreille droite, de sa boucle violette, plus ronde, fondue et succulente qu'un raisin muscat. Et surtout, elle était occupée de la concernante beauté des 2 yeux immenses, invraisemblables, qui s'ouvraient dans cette figure foncée. Entre leurs lourdes paupières bistrées, chargées de cils noirs et luisants, ils étaient d'une clarté telle, ses yeux, d'un bleu si inattendu, qu'on ne pouvait vraiment comparer la couleur qu'à la grosse opale oblongue que la princesse portait toujours à la main gauche. Et Patricia, frissonnante sur sa mule, tendait le cou vers les inconcevables prunelles qui la fixaient sans cligner, pareilles à 2 étoiles vertes au-dessus des sombres joues musulmanes. Son cœur battait avec force, ses dents se serraient. Elle comprenait, face à face avec le petit garçon exotique, qu'elle était subitement arrivée au but de tous ses voyages, de toutes ses courses inquiètes à travers la vie. ce qu'elle avait vainement attendu des regards humains, elle le trouvait devant elle à un détour de sentier africain, au fond d'une clairière d'herbe de Mars, et son âme bouleversée pouvait à peine concevoir un tel miracle. Car les grands iris pâles de l'enfant cuivré n'étaient-ils pas le regard de Cléopâtre, d'Adonis, de Circé? N'était-ce pas là ce qu'on cherche de sacré à travers les vitrines des musées où reposent les figures millénaires? N'était-ce pas tout ce qu'on demande à l'art, à la musique, au ciel, à la mer? N'était-ce pas l'ineffable? Et la princesse, les mains jointes vers l'immobile petite idole masculine, lui dédiait, en cet instant silencieux, tout son être, ce qu'on pourrait appeler la chair spirituelle et l'âme physique. Et elle sentait que jamais plus elle ne pourrait vivre sans ses yeux qui la fascinaient. L'arrivée brusque de sa caravane, qui la rejoignait, l'attira de son rêve. On s'étonna de l'avoir arrêtée. On lui fit remarquer que le jour baissait déjà, qu'il fallait se hâter de gagner l'étape avant la pleine nuit. Mais elle, pathétique et têtue, coupa d'un geste toutes les paroles qui se croisaient autour d'elle. « C'est ici que nous nous arrêtons, » déclara-t-elle. « Je suis arrivée. » Les Français, stupéfiés, s'entre-regardèrent, cherchant à se rendre compte, mais résignés d'avance à tout. Les cavaliers indigènes, passifs et seigneuriaux, mirent pied à terre sans même tenter de comprendre par habitude de la fatalité. Seul le riche arabe francisé, si Ahmed Ben Ali, il vint un grand rire de protestation. Puis, ayant aperçu le petit berger toujours assis à sa place, il fit vers lui un mouvement courroucé, lui criant en arabe de s'en aller au plus vite avec ses chèvres. Et l'enfant, levé d'un bond, la figure effrayée, fuyait déjà à toutes jambes lorsque Patricia jeta un cri. Sautant de sa mule, elle courut après le gosse aux pieds nus pour le ramener de force par la main, malgré qu'il hurla et pleura de terreur. Et toute pâle de scandale, elle haletait. « Comment, si Ahmed, vous le chassez ?» Puis sourdement, « Lui, ce Dieu !» Et si Ahmed, gros et court, se carrant dans son veston, se mit à rire si fort que les veines de son front se gonflèrent à claquer autour de sa chéchia à la turque. Les Français, cependant, avaient à peu près compris. Ils connaissaient depuis longtemps leur princesse, et l'un d'eux prit si Ahmed à part, car tous craignaient pour lui quelque déchaînement de la volontaire et déconcertante jeune femme. Elle, pendant ce temps, sans plus regarder personne, s'appliquait à apprivoiser par des câlineries le petit effarouché. « Si Ahmed, fit-elle impérativement, venez ici. Traduisez-lui ce que je dis. Dites-lui qu'il est un dieu, que je l'aime, que ses yeux sont trop beaux pour être humain que... » Et sans attendre la réponse, prenant l'enfant contre elle, d'un geste maternel, elle se mit à lui murmurer des choses de toute son âme, et sa pensée disait « Petite sirène, veux-tu venir avec moi dans mon pays? Je t'emporterai avec la même précaution que si tu étais une précieuse verrerie ancienne, et quand nous serons arrivés chez moi, dans ma ville, je te soignerai, objet unique, comme si tu vivais sous une mystérieuse vitrine, inconnue de tous, car je t'enfermerai et te garderai pour moi seul, parmi les encens et les fleurs, parce que je suis torturé de jalousie, à cause que les autres te regardent aussi. Je te parerai de robes d'or et de tiare, ô petit pontife adorable. Je me mettrai à genoux devant les turquoises vertes de tes yeux, devant les émeraudes bleues de tes yeux, et pendant des heures et des heures, je pleurerai de joie aux pieds de ta personne sacrée. Je m'abîmerai dans ton regard qui est pareil à l'étoile absinthe de l'Apocalypse. Je t'admirerai jusqu'à en mourir. » À la dérobée, les Français regardaient sans rien dire Patricia, extasiée devant sa trouvaille. Le crépuscule enfin était venu. Les cimes visibles flambaient, allumées de couleurs violentes. La mer foncissait. L'ombre, du fond des vallées, montait comme une marée silencieuse vers les hauteurs, et les fleurs forestières des sous-bois manifestaient leur présence par des parfums plus évidents. Or, si Ahmed, ne pouvant plus longtemps retenir sa gaieté, s'écria tout à coup dans le silence. « Vraiment, princesse, je m'étonne qu'un petit pouilleux comme ça puisse vous intéresser. C'est un ignorant, cet enfant. Il n'a aucune idée de la civilisation, il ne comprend rien, il ne sait rien. Il sait qu'il est beau, » gronda Patricia. « Lui, parions une chose, c'est qu'il ne sait même pas la couleur de ses yeux. » « Taisez-vous !» fit Patricia avec égarement, car cette pensée la plongeait dans un gouffre de stupéfaction. Puis, s'étant tournée avec un visage ensauvagé vers l'enfant, elle l'emmena s'asseoir plus loin des autres, le tenant aux épaules comme une proie, dévorant du regard les yeux fabuleux, qui, dans le soir de plus en plus accentué, la contemplaient à présent sans larmes, ni frayeur, tout à fait rassurée, presque effrontée. Leur double clarté mettait comme deux ronds de jour dans la pénombre. On eût dit que le clair de lune bleue des nuits d'Afrique allait filtrer d'entre leurs cils sombres. Et malgré la nuit envahissante et rapide, Patricia vit que ses yeux la toisaient des pieds à la tête avec tant d'insistance, une intensité telle qu'elle se sentit rougir et pâlir sous ce regard de sa divinité. Et soudain, les iris d'opale flamboyèrent dans le clair-obscur comme chargés de phosphore animal. La bouche violette s'entr'ouvrit. Quelques paroles gutturales en sortirent avec un petit rire rauque. « Il m'a parlé !» s'exclama la princesse d'une voix étouffée, et comme si elle eût appelé au secours. « Siamed, Siamed, venez, dites-moi ce qu'il a dit !» Et l'enfant, ayant répété sa phrase, la princesse, la tête baissée, attendit en tremblant, comme si, par la bouche plus tendue, ronde et succulente qu'un raisin muscat, le destin, dans la nuit commençante, se fût prononcé. Alors Siamed, avec calme, traduisit. « Il demande si vous voulez lui donner des souliers comme les vôtres, et aussi ce que vous avez autour du cou, c'est-à-dire votre focole. » Patricia s'était dressée toute droite. Les Français la virent qui tâtonnait vers eux, tous se levèrent. « Nous partons, » dit-elle d'une voix sombre. « Et où allons-nous ? » demanda craintivement son mari. Elle murmura. « Nous retournons en France, à Paris, ailleurs. Allons-nous-en, allons-nous-en !» Une angoisse telle entrecoupait sa voix que tous se turent, impressionnés. On se remettait en selle. Les têtes des bêtes furent tournées vers la descente. C'était la fuite, la retraite à mi-chemin, le retour vers les villes, l'abandon de la source des sept pierres, glaciale et haut placée, but du voyage. Mais pourquoi Patricia eut-elle poursuivi sa route, elle qui venait de boire les deux sources translucides et amères des yeux d'enfant qui l'avaient séduite? Cependant, sur le point de disparaître au tournant du sentier, Siamed la vit faire un geste. Elle ôtait de son doigt la grosse et magnifique bague coutumière où brillait le pal oblong entre les diamants. Puis elle fit du côté de l'enfant un petit signe. Sans doute, en souvenir, voulait-elle lui jeter du haut la bague qui ressemblait à son regard. Mais Siamed arrêta son bras. « Ne faites pas ça, princesse » chuchota-t-il, « si vous ne voulez pas que cet enfant soit assassiné demain au coin du bois. » Un éclair passa dans les yeux assombris de la princesse, mais elle se remit vite. « Donnez-lui plutôt 20 sous, » fit Siamed. Alors l'enfant, ayant tendu la main, la pièce d'argent étincela dans sa paume obscure. Et un rire de joie et de stupéfaction enroué et puéril éclata dans l'ombre, suivi de nombreuses syllabes dures, par lesquelles le petit dieu Rog appelait toutes les bénédictions du ciel sur sa bienfaitrice, la Nazaréenne. Mais elle, ivre et blessée, les dents serrées, le front bas, s'en allait dans la nuit, au pas de sa mule engagée dans le sentier rapide. Et elle avait crispé sa main sur son cœur complexe d'occidental, car l'y sentait mortellement enfoncé les deux flèches bleues, les deux flèches ironiques d'un regard d'enfant qui ressemblait à la divinité, mais qui n'était pas la divinité. C'était « Le songe d'un soir kabyle » par Lucie de la rue Mardrus.